après mon petit speech, mais bon, voilà, c'est important, il faut que vous vous sentiez chez vous, on ne vous accueille pas comme ça pour faire bien, hein. C'est parce qu'on veut que vous sentiez chez vous, vraiment, que le Seigneur vous bénisse pleinement, et je vais accueillir Pierre, donc, aujourd'hui, qui sera le prédicateur. Oui, tu peux venir, donc c'est Pierre de Maude, la plupart ici ne le connaissent pas, donc Pierre, grand écrivain sous l'Éternel. Enseignant, spécialiste du réveil des Cévennes. Oui. Et puis voilà, le reste, tout est grade, tu les diras après. Oui, oui, oui. Voilà. Je peux prendre le micro comme ça ? Tu peux prendre le micro, oui. Et on peut même te mettre le micro. Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Je suis vraiment, vraiment heureux d'être avec vous. C'est la première fois que je viens ici et que je fais votre connaissance. Je connais quelques visages, mais la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Alors, je voudrais vous dire que je me sens à la maison. Alors, bienvenue chez moi. Et quand je vais au Mexique ou tout ça, on dit toujours « ma casa es tu casa ». C'est vrai, hein ? Ma maison, c'est ta maison. Alors, je dis « je suis très content, je deviens riche ». Chaque fois que quelqu'un, je vais chez quelqu'un, il me dit « ma maison est ta maison ». Alors, je dis « bienvenue chez vous ». Bienvenue chez vous. Dieu est bon. Et je vais vous dire, j'aime ces moments où le prédicateur n'a plus rien à dire. Vous aussi, apparemment. Et vous savez, quand j'aime ces moments dans l'adoration, dans la louange, où vous voyez Dieu qui prépare le terrain, Dieu qui prépare le cœur. Et puis moi, je suis là et je dis, mais ils ont déjà tout dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore leur dire ? C'est bon, hein ? Mais j'aime bien voir Dieu agir comme ça. J'aime ces manières d'agir. Alors, j'ai sur le cœur de vous parler, je vais vous partager mon témoignage. Comment j'ai connu Jésus ? Comment comment Dieu m'a touché ? Et j'aimerais vous laisser ces quelques paroles pour commencer de l'importance du témoignage. Alors, on va prendre le psaume 106, vous voulez bien ? Est-ce qu'on peut afficher le psaume ? Vous le faites ? Psaume 106, les versets 1 et 2, et puis on ira au verset 7, où on nous parle du témoignage. Ah ben, je vais essayer de le lire ici, en même temps. Voilà, donc ça nous dit... Oui, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est ce qu'on a fait, non ? C'est ce qu'on a fait dans la louange. Qui dira les hauts faits de l'Éternel ? Qui publiera sa louange ? Vous voyez ? Et ça fait partie du témoignage. Et puis, un peu plus loin, ça c'est un peu moins agréable, mais parfois il y a des choses un peu moins agréables, hein, on le sait. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs. Et j'aime bien, parce qu'on a lu le psaume 105 tout à l'heure, hein, avec ce que Dieu faisait et ce que Dieu a fait. Et puis ici, il nous dit, le psalmiste, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Et vous voyez là, on a un déclic. Et la première grande leçon que j'aimerais vous laisser, c'est que nous sommes des êtres oublieux et blasés. Nous oublions les bienfaits de Dieu, mais le pire des pires, les choses les plus terribles, c'est que en tant qu'être humain, nous nous blasons de la gloire de Dieu. Et nous arrivons à nous habituer à la gloire de Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'on n'arrive plus à se réjouir, on n'arrive plus à être comme des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qui nous émerveillons de voir Dieu agir. J'ai une connaissance, j'ai un ami, il s'appelle Esteban. Je ne sais pas si vous connaissez Esteban Macio. C'est un prédicateur argentin. Et il faisait partie de... C'est un prédicateur itinérant. Et il fait partie de l'église de Claudio Fredzon en Argentine. Vous savez, c'est une grosse église qui connaît le réveil. Et puis, c'est un des pasteurs de cette église. Il y a des milliers de membres dans cette église. Et à un certain moment, il y a eu une vague de réveil absolument incroyable dans cette église. Des gens guérissaient. Mais de maladies, de cancers, ils étaient délivrés, on priait pour eux et le lendemain ils pouvaient témoigner de l'action de Dieu, de délivrance absolument extraordinaire. Et puis Esteban nous racontait qu'il partait et puis il revenait et puis il n'y avait même plus de témoignages de guérison parce que les gens trouvaient tout à fait normal, ils disaient « ouais, t'as été guéri d'un cancer, bon ouais, c'est pas mal, et après ?» Vous voyez, on est capable de s'habituer à ces choses-là. Et comment ? C'est absolument terrible. Alors j'aime un petit refrain que j'entendais dans mon enfance, je vais vous parler de mon enfance, et qui disait ceci. C'est un des rares cantiques que je me rappelle de mon enfance, à part mon beau sapin, roi des forêts. Mais c'était « Compte les bienfaits de Dieu ». Vous connaissez ce c'est « Compte les bienfaits de Dieu ». Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Mets-les tous devant tes yeux. Ah oui, ça, t'es ma mémoire. T'es ma mémoire. Ah, c'est terrible. Alors, je vais vous parler de mon enfance. Alors, vous l'avez deviné, je suis né dans un milieu réformé. Est-ce que vous connaissez l'église réformée ? Vous voyez, hein, il y a certaines personnes. Ce sont des églises très, très liturgiques. Mon père était pasteur de l'église réformée de Charleroi. C'était une institution, mon père. Et puis, alors dans les cultes réformés, les pasteurs prêchent avec une robe noire. Hein, parce que c'est des ministres de la parole. Et puis tout est structuré. Hein, ce sont des cultes très liturgiques. Ça ne dure qu'une heure. Certains sont contents. Hein. Donc tout est chronométré. Vous arrivez à 10h30, vous sortez à 11h30. S'il est 11h35, le pasteur se fait engueuler à la fin du culte. Hein, on devrait en engueuler quelques-uns hein, parfois. Bref, c'est un des points positifs. Avec moi, vous êtes mal barré, je vous préviens tout de suite. Et donc, je suis né là-dedans. Et donc, j'assistais au culte. Alors, les cultes, les cantiques, c'était celui que je vous ai dit, là, quand on compte les bienfaits de Dieu. Bon, c'est un des plus modernes qu'il y avait. Hein, et il doit dater de 1850 ou je ne sais pas trop. Ben, j'exagère un petit peu, là, je joue avec les pieds. Mais c'est pour vous dire que le style de musique, le style de louange, le style de culte dans lequel j'ai grandi, c'était celui-là. Il y avait les grandes orgues, et puis c'était très liturgique, on disait aux gens, levez-vous, asseyez-vous, et puis ainsi de suite, vous voyez, prédication 15 minutes, et puis oh, tout était très très structuré. Et puis, bon, j'ai vécu mon enfance, et je vous dis ça parce que je pensais que j'étais chrétien, parce que j'étais fils de pasteur. Vous voyez, je pensais que j'étais chrétien parce que j'étais né dans une famille chrétienne. Et je dois dire que j'ai jamais eu de grande crise spirituelle, j'ai toujours cru en Dieu. Croire en Dieu n'a jamais été un problème pour moi, j'ai baigné là-dedans. Mais si mes parents avaient été musulmans, très honnêtement, j'aurais été un bon musulman. Vous voyez, j'aurais hérité, j'aurais pris hein, tout ce que la croyance de mes parents. Excusez-moi, mais c'est souvent le cas, c'est pas vrai ? Hein, nous pompons hein, le milieu, les croyances dans lesquelles nous vivons. Alors, croire en Dieu n'a jamais été un problème pour moi. J'ai jamais eu de crise mystique, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas ? Non, ça ne posait pas trop de problèmes. Mon problème, il était le suivant. C'est l'image mentale que j'avais de Dieu. Je croyais au Dieu des Simpsons. Vous connaissez les Simpsons ? Le Dieu des Simpsons, il est loin. Il est sur un nuage et il a une longue barbe blanche et un bâton dans les mains. Vous voyez ? Ça, c'est l'image que j'avais de Dieu. Et je vais vous dire, beaucoup, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise image de Dieu. Ils imaginent Dieu loin, très loin. Ils imaginent Dieu en colère. Est-ce que c'est pas vrai ? Une des premières pensées qu'on a quand on parle de Dieu, c'est de le voir comme un Dieu sévère et prêt à nous flayer dessus. Comprenez, flayer dessus ? Oui, c'est un peu du wallon, on parle comme ça ici aussi, hein ? Non ? Hein ? Taper dessus. Donc, prêt à nous taper dessus au moindre écart de conduite. C'est pas vrai ? Et souvent, souvent, je retrouve ça dans l'Église. Alors, vous savez ce qu'on dit ? Dieu est en colère. Mais heureusement, il y a Jésus pour nous garder de la colère du Père. C'est pas vrai ? On a une image du Père qui est terrible, Et ouf, Jésus, il est gentil. Non ? C'est pas vrai ? Dites-moi, je me trompe ? Je vais vous dire, c'est un gros mensonge. Vous voulez savoir comment est le Père ? Regardez comment est Jésus. Ben oui, parce que Jésus est l'image du Père. Jésus, il apporte une révélation de qui est Dieu absolument extraordinaire. Avant Jésus, on pouvait avoir cette impression-là dans l'Ancien Testament d'un Dieu, ouh là là là là, terrible. Mais la venue de Jésus, ça nous ouvre les yeux sur la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu n'est pas en colère. Dieu est amoureux de nous. Mais bref, avant d'arriver à ça, moi, dans ma pensée, vous voyez, j'avais cette image d'un Dieu, il fallait se tenir à carreau. Et puis bon, j'avais une vie où j'étais pas un truand, mais j'étais pas non plus le dernier des saints. En fait, je me considérais comme punk, pour vous dire. J'écoutais de la musique ultra violente, j'avais ce genre d'enfance, vous voyez. Bon, j'ai jamais tué personne, bon, voler c'est un petit peu différent, mais voilà. Mais bref, j'avais cette vie comme ça entre les deux. Et puis j'étais très, très, très débrouillard. En fait, j'avais l'onction de Jacob sur ma vie. J'étais un arnaqueur. C'était vraiment ça. Et alors, j'ai grandi, et puis je travaillais dans les restaurants, très tôt, à 15 ans, je travaillais déjà dans des restaurants, puis j'ai travaillé comme barman et tout ça, j'avais ce style de vie. Je n'étais pas un sale gamin, mais voilà. Et puis j'avais appris qu'il y avait une arnaque qui était en route. C'était à l'époque, on vendait des appareils vidéo VHS. Vous vous rappelez de ça? Ouais, oh, ça dit long sur votre âge, ça. Et puis, on vendait ça. Et puis, j'avais appris qu'il y avait des appareils vidéo comme ça qui étaient tombés camion. Vous comprenez le mot, tombés camion? Ça en dit long aussi sur votre vie. Et donc, on avait, y avait une combine possible et ça se passait dans une église. Oh, alors je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et puis j'ai appris que le pasteur de cette église venait au club de jeunes de l'église de mon père. Alors je me suis dit, il faut que je le rencontre, on va essayer de monter une combine. Alors, je vais au club de jeunes de mon père, et puis là je rencontre le pasteur, il s'appelait Raymond, et puis j'essaye de rentrer en contact avec lui, vous voyez, mais avec derrière la tête, il faut que j'aie les renseignements pour faire mon petit trafic. Et puis le pasteur Raymond, bon, il n'était pas du tout intéressé par moi. Il m'a gentiment envoyé péter sur les roses. Et puis il voulait pas du tout rentrer dans des combines ou je sais pas tout quoi. J'étais pas très content. Mais ce pasteur me dit, Pierre, est-ce que tu voudrais venir au camp que notre église organise? Et moi, vous pensez bien que son camp, j'en avais absolument rien à cirer. Mais j'étais assez hypocrite. Et donc je lui ai dit, bon, oui, pourquoi pas. Et mon père était derrière moi au moment où j'ai dit, oui, pourquoi pas. Là-dessus, mon père sort son carnet de chèques. Vous savez, le carnet de chèques, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit vraiment long sur votre âge. Hein. Et puis il dit, puisqu'il veut aller à ce camp, je vais payer le camp tout de suite. Et je regarde mon père et je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe là? Alors j'étais obligé d'aller au camp qu'organisait le pasteur Raymond, c'est Raymond Van de Put, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, qui organisait ce camp. Et alors je me dis, ça y est, qu'est-ce que je vais foutre là-bas à ce camp? Donc j'avais déjà fait des camps scouts, hein, donc je savais bien comment ça marchait. Donc je suis allé avec ma bouteille de vodka, mes paquets de cigarettes, à ce camp d'église, et je m'attendais vraiment à pouvoir m'amuser là. Et j'assiste à la première réunion. Mes amis, je vous rappelle les grandes orgues chez moi. Ça, c'était ma spiritualité. Et là, je m'amène, première réunion, c'était comme ici. Des punks. Batterie, guitare et des chants modernes. C'était les « J'aime l'éternel ». C'était... Arrêtez de rire, ça s'est passé il y a très longtemps. Donc, ça vous en dit long, et je découvre ça. Mais il n'y avait pas simplement ça. C'est qu'au moment de la louange, les jeunes s'avancent devant et puis commencent à louer Dieu et commencent à lever les mains et à fermer les yeux. Et moi, j'étais assis dans le fond et je vois ça et je me dis, je suis tombé dans une secte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils sont complètement fous. En plus, ce n'étaient pas des vieux, hein. C'était tous des jeunes qui étaient là en train de louer, ils étaient là en train d'adorer Dieu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici ? Alors, j'étais un malin. Et je dis au pasteur, écoute pasteur, moi je suis à l'UNIF là maintenant, je dois préparer un cours de droit. Et j'avais tout prévu, vous savez, j'avais pris un cours de droit avec moi. Et je dis, je ne peux pas assister à toutes les réunions. Il faut que je travaille pour mon examen. On était à Pâques. Et le pasteur, mais hyper gentil, il me dit, Pierre, pas de problème. Chaque fois que la réunion commence, tu peux aller dans le petit local qui est à côté. Et tu vas travailler ton cours de droit. Vous voyez, il était cool. Pas de problème. Alors que dès que la réunion commençait, moi je partais, je foutais le camp à toute vitesse dans mon petit local, et puis je travaillais là, je résumais mon cours de droit. Et j'entendais vaguement la musique, vous voyez, c'était distrait, bon c'était pas très fort parce que j'étais un peu sur le côté. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. J'étais pas dans une recherche de Dieu. Je savais même pas que je devais chercher Dieu. Je pensais que j'étais chrétien parce que j'étais né dans une famille chrétienne. Et j'étais en train de travailler et de résumer mon cours de droit. Et à un certain moment, pendant que je suis en train de travailler sur mon cours de droit, j'ai commencé à ressentir, j'ai commencé à sentir de manière tangible des vagues d'amour qui venaient sur moi, des vagues de chaleur qui venaient sur moi, encore et encore. Ça venait de tous les côtés. Vous voyez les radiateurs là, s'ils fonctionnent et quand ils fonctionnent, on sent de la chaleur qui peut se dégager comme ça. Mais ça venait de partout. Je me retournais, je me levais et je sentais ces vagues de chaleur qui venaient sur moi. Et je me sentais aimé, aimé comme jamais j'avais été aimé comme ça. Et je sentais, en fait je peux vous dire, ben vous savez bien de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de vous parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui se manifestait. Vous vous rappelez, je vous ai dit, moi mon Dieu c'était le Dieu des Simpsons, il était loin. Et puis ce Dieu des Simpsons, il était en train de s'approcher de moi. Il était en train de venir, il était en train de s'approcher. Et parce qu'il venait, je sentais sa présence. Je sentais sa présence qui venait et qui m'inondait. Et c'était des vagues d'amour, c'était des vagues d'amour qui venaient. C'était sa grâce qui venait. Ça a été ma toute première rencontre avec Jésus. Ça a été ma toute première expérience avec Jésus. Alors aujourd'hui, je peux vous dire ce qui était en train de se passer. Et pourquoi je sentais la présence de Dieu ? Je sentais la présence de Dieu parce que il y avait à côté tout un groupe, toute une église, tout un groupe de jeunes qui étaient en train d'adorer Dieu et le louer. Vous savez, il y a ce verset, vous devez sûrement le connaître, qui dit « Dieu trône au milieu des louanges de son peuple ». Et ce que j'étais en train d'expérimenter, ce à quoi j'étais en train de goûter par pure grâce, parce que je ne cherchais pas Dieu, j'étais en fait au bénéfice de la louange, j'étais au bénéfice de l'adoration, j'étais au bénéfice de ce que ces jeunes étaient en train de vivre de tout leur cœur. Ils étaient en train d'adorer Dieu de tout leur cœur et la présence de Dieu venait. Vous savez, il y a un verset qui dit « Les anges montent et descendent ». C'est l'échelle de Jacob. Vous connaissez ce verset. Vous avez remarqué qu'il ne nous est pas dit « les anges descendent » et puis qu'ils montent. Mais qu'il nous est, il est écrit, il monte, vous vérifierez ça dans la Bible, il monte et il descend. Vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est que pendant que ces jeunes étaient en train d'adorer Dieu, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, pendant qu'ils étaient en train d'élever Dieu, de faire monter leur adoration, il y a toute une activité angélique qui se produisait. Mes amis, ne sous-estimez jamais ce qui est en train de se passer dans la louange et dans l'adoration. Ne sous-estimez, vous ne pouvez pas, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous avez l'impression que c'est difficile. Oh, je sais que quand on vit des cultes, vous savez, on a parfois des moments où on croit que c'est difficile. Mais tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas tout ce qui est en train de se passer. Pendant que toi, tu es en train de te battre pour que ta louange monte, et elle monte, et elle monte, il y a toute une activité angélique. Et Dieu, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Dieu est peut-être en train de régler des problèmes. Vous voyez? Et c'est pour ça que le combat, il est difficile. C'est pour ça que le combat, il est difficile. Dieu est en train d'agir puissamment pendant que toi, tu es en train d'adorer. Pendant toi, tu es en train d'élever le nom de Jésus. Ne sous-estime jamais ces moments. Vous savez, j'ai étudié un peu de théologie, j'ai fait un peu de théologie. Calvin, il disait, il n'y a pas de culte sans prédication. Et il était dans une époque où on ne prêchait plus l'évangile. Alors il disait, pour qu'il y ait un culte, il faut qu'il y ait la prédication. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que la Bible, elle nous dit que le culte qui est agréable à Dieu, c'est de s'offrir à Dieu, c'est de s'offrir en sacrifice vivant. Je ne suis pas contre la prédication, ne vous méprenez pas sur mes propos. Mais pour moi, le culte, l'essentiel du culte, je suis désolé si je vais choquer certaines personnes, mais l'essentiel du culte, il se fait dans le moment d'adoration. L'essentiel du culte, il se fait là. Et tu n'imagines pas l'importance que ça peut avoir, ce que tu peux faire, ce qui est en train de se produire quand tu es en train d'adorer Dieu. Vous voyez? Et puis, cette présence de Dieu, elle venait. Cette présence de Dieu, elle l'irradiait. En fait, elle reposait sur ce groupe de jeunes. Et moi, j'étais au bénéfice de cette grâce. J'étais au bénéfice de cela. Alors tu imagines, toi tu es en train d'adorer Dieu ici, et puis il y a quelqu'un qui est en train de passer sur le chemin des hirondelles que j'ai emprunté avec ma caisse de livres parce que j'ai garé ma bagnole de l'autre côté là-bas du bon, et j'ai dû marcher pendant 500 mètres avec mes bouquins, c'est Google qui m'a envoyé jusque-là. Mais tu imagines, toi tu es en train d'adorer Dieu comme ça, tu es en train de louer Dieu comme ça, et puis il y a quelqu'un qui passe sur le chemin et boum, il tombe dans l'esprit. Et boum, il est touché par la grâce de Dieu. Vous savez, j'étudie l'histoire de l'Église, j'étudie l'histoire des réveils. Et il y a parfois des témoignages absolument ahurissants où la présence de Dieu se manifeste et qui touche d'une manière surnaturelle les gens autour. Par exemple, Catherine Kuhlman, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme qui était porteuse d'une onction de guérison absolument extraordinaire. À un certain moment, on l'a fait passer par les cuisines d'un hôtel. Elle devait aller dans la salle principale pour faire sa réunion. Et on l'a fait passer par les cuisines de l'hôtel. Et on raconte que elle, pendant qu'elle traversait les cuisines de l'hôtel, les cuisiniers tombaient dans l'esprit. Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu reposait sur elle. À Charleroi, il y a une église à Dampremier qui était une église de réveil à l'époque. Et puis, il nous est dit que la gloire de Dieu se manifeste tellement fort dans cette église qu'il y avait une foule qui bloquait le tram et qui empêchait le tram de passer dans la rue, tellement la gloire de Dieu était là. Les gens, en passant devant la vitrine de l'église, tombaient dans l'esprit. J'ai vécu des expériences où la gloire de Dieu se manifestait comme ça. C'est impressionnant, les amis. C'est impressionnant. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'en fait, tous ensemble, nous sommes porteurs de cette gloire. C'est pour ça qu'il est si important de la laisser sortir de nous. Il est si important d'ouvrir notre bouche. Il est si important de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous n'imaginons pas tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit, c'est des vagues d'amour qui venaient sur ma vie. C'est des vagues d'amour qui venaient sur ma vie. Jamais je ne me suis senti aimé comme cela. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est sa nature profonde. C'est sa nature profonde. Et c'est des vagues d'amour qui venaient. Vous connaissez Charles Finet ? Ça vous dit quelque chose ? Vous avez déjà entendu parler de Charles Finet ? Charles Finet, dans ses mémoires, il raconte sa conversion. Et puis, le soir même de sa conversion, il est rentré chez lui après le travail. Et il a eu un temps vraiment de rencontre avec Jésus personnel. Il dit dans ses mémoires qu'il a fermé la porte. Et puis, la présence de Jésus était là. Il était là en personne, il est tombé à genoux, il pleurait devant Dieu et tout ça. Et puis quand il s'est relevé, il raconte ça dans ses mémoires. Il dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Des vagues d'amour coulaient sur ma vie, des ondées coulaient sur ma vie. Vous savez, pendant que je suis en train de parler là maintenant, je suis en train de prier que vous puissiez sentir et goûter la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste. C'est pour nous, chacun d'entre nous, nous pouvons goûter à cela. Et il sentait la présence, il dit, c'était des ondées d'amour, des vagues d'amour qui venaient encore et encore sur sa vie. Et puis, il raconte que ce baptême de l'Esprit-Saint, il y a quelqu'un qui est venu entre-temps, et puis quand la personne qui l'a visité est partie, ça a recommencé. Et il a dit à Dieu, s'il te plaît, arrête, je vais mourir. S'il te plaît, arrête, je vais mourir. Tellement quand Dieu se révèle, son amour, sa gloire se manifeste. Je prie maintenant que vous puissiez avoir cette révélation des vagues d'amour qui viennent, qui coulent du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ces vagues, elles venaient. Il disait à Dieu, arrête, je vais mourir, arrête, je vais mourir. Et il a finalement réussi à s'endormir. Et il raconte dans ses mémoires qu'au moment où il s'est réveillé, il y avait le soleil qui frappait sur son visage. Il disait, rien que la chaleur de ce soleil, elle a fait remonter en moi cette puissance d'amour et ce baptême qui a recommencé encore et encore et encore. J'ai pu goûter plusieurs fois dans ma vie à ces expériences de visitation de la présence de Dieu. Vous savez ce que j'en tire comme leçon ? C'est que premièrement, personne ne peut donner sa vie à Jésus sans la présence du Saint-Esprit. Quand l'on donne sa vie à Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est déjà là et qu'il est déjà présent. Je vous en reparlerai après. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire avec ça. Aïe, aïe, aïe, j'ai un trou de mémoire. Je vous parlais de l'amour de Dieu qui vient. Oui, voilà. Ce que j'ai découvert également, c'est que parfois quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle d'une expérience qu'on peut vivre une fois dans sa vie. Et puis c'est fini. Vous me suivez ? Hein, c'est la manière dont on nous présente les choses. Hein, et là, mais j'ai découvert. Non, je sais. Vous êtes parfait. non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai découvert ceci. Écoutez, les amis, c'est que une fois qu'on a commencé à goûter à cela, c'est une expérience qui peut se reproduire encore, et puis qui peut encore se reproduire, et qui peut encore et encore se reproduire. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai goûté à des temps de visitation comme ça. Où je me rappelle, j'étais encore étudiant à Mons et c'était la veille d'un examen. Écoutez, c'est un truc de malade. La présence de Dieu venait sur moi encore et encore. J'étais assis, j'étais dans mon lit couché et j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, arrête. J'ai examen demain, il faut que je dorme un peu. Alors, je vais être très honnête avec vous, je ne me rappelle plus si c'était les examens que j'ai eu. Mais j'ai passé un examen de maths. Alors j'étais nul en maths, mais vraiment nul en maths. Et j'ai travaillé mes maths comme un malade l'année suivante et je suis devenu bon en maths. Je dis bon entre guillemets, d'accord ? Puis je passe l'examen de maths et je réussis bien l'examen. La prof me pose deux questions, je fais une démonstration au tableau, tout se passe bien. Mais vous devez savoir ceci, à l'UNIF, quand tout se passe bien, c'est 12 sur 20. Ben oui, c'est comme ça. Et puis, la prof, me pose une colle. Je vous assure que c'est vrai ce qui s'est passé. Elle me dit, monsieur de Maude, si on multiplie le résultat de l'équation que j'avais faite par la matrice népérienne, qu'est-ce que ça donne? Moi, je lui dis, hein? Elle me dit, c'est très bien, monsieur de Maude, c'est la matrice unitaire. 18 sur 20. Et je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. Elle me parle de matrice unitaire. Et la matrice unitaire, c'est 1. Et moi, je lui dis 1. Mais du tac au tac, je suis sorti de là avec 18 sur 20. C'est pour vous dire, quand Dieu met sa main, oh, il rit de tout, Dieu. Mais c'est la présence de Dieu qui fait ça, les amis. La présence de Dieu, elle débloque les situations. Je vous ai parlé de cette gloire de Dieu et on en a parlé dans la louange. C'est des choses que Dieu me met sur le cœur. Vous savez, quand la gloire de Dieu se manifeste, quand la gloire de Dieu se manifeste, tout devient possible. Tout devient possible. Et je dois même dire que dans la gloire de Dieu, il y a une accélération qui se produit. Il y a des choses, peut-être que dans votre vie, on a prophétisé certaines choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez reçu des paroles prophétiques, et puis vous regardez en arrière, ça fait 10 ans qu'on vous les a données, et puis vous vous demandez, est-ce que c'était une bonne parole prophétique ou pas? C'est pas vrai? Dites-moi, je suis le seul comme ça. Et puis quand il y a la gloire de Dieu qui vient, en 30 secondes, ce qui a pris 10 ans pour se manifester, bam, bam, bam, ça se met en place. Et vous dites, mais on me l'avait prophétisé. Et il y a une accélération. Quand le temps de Dieu est là, les amis, quand le temps de Dieu, et j'aime beaucoup ce que tu partageais sur Joseph. Joseph, il reçoit une parole de prophétie absolument extraordinaire. Et puis, avant que cette parole de prophétie s'accomplisse dans sa vie, qu'est-ce qui n'est pas passé par des souffrances, par des douleurs, par des problèmes? C'est pas vrai? Dites-moi, c'est pas vrai? Mais quand c'est le bon moment et que le timing rencontre, le ciel rencontre la terre, tout devient possible. Vous me suivez? Et ces moments de louange, ces moments d'adoration, ce sont des moments d'éternité. Ce sont des moments qui peuvent accélérer le processus, qui peuvent débloquer des situations, qui peuvent faire exploser des choses impossibles, qui peuvent transformer des attaques en bénédictions. Vous me suivez? Et vraiment, j'aimerais vous exciter dans cette dimension-là. Qui a besoin de guérison? Qui a besoin de guérison, de manifestation de guérison? Seigneur, manifeste-toi. Vous savez, les ministères, la manière dont les choses se passent, elles sont tout le temps différentes. Il y a certains ministères, ils fonctionnent de telle manière, et puis il y a d'autres ministères qui fonctionnent d'une autre manière. Et j'ai découvert ça aussi dans la Bible. Je vous dis ça pour ceci. On m'a prophétisé sur ma vie que des gens seraient guéris en m'entendant prêcher. Attendez-vous à la guérison. Attendez-vous à ces manifestations de guérison. Il n'y a pas besoin spécialement qu'on fasse l'onction d'huile. Il n'y a pas besoin spécialement qu'on prie pour vous. Peut-être que on prie même pas pour vous. Il suffit de franchir le pas de l'église et le chant d'adoration est là. Et boum, la guérison se manifeste. Vous me suivez? En venant ici, je vous ouvre mon cœur. Vous allez voir, je suis quelqu'un qui aime la franchise et qui aime être le plus transparent possible. Et dans mes prédications, j'insiste vraiment sur cette manière-là. Mais en me préparant pour venir ici, j'avais sur le cœur des problèmes de dépression. Alors je dois vous dire très honnêtement qu'avec le Covid, je suis passé par une crise. Je suis passé par un moment de dépression. Moi, je suis un gars hyper optimiste. C'est quelque chose que je ne comprenais pas, à la limite, de tomber dans une dépression. Et quand la crise du Covid a commencé, ça m'est tombé dessus comme une chape de plomb. Bam ! T'as rien demandé à personne. Écoutez, j'avais pas péché, enfin, pas plus que d'habitude. je sentais sur ma vie, je sentais des sentiments de culpabilité. J'en ai parlé au médecin, j'en ai parlé à d'autres personnes. Vous savez à quel point je me sentais coupable ? Je me sentais coupable comme si j'avais trompé ma femme. Ça me tombait dessus comme ça. Mais des vagues de culpabilité, si au moins j'avais pu la tromper. Mais là, je ne l'avais pas trompé, et je sentais la culpabilité. Et je dis, mais c'est un truc de malade ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois, c'était pendant des jours, et ça venait comme ça sur moi. Boum, je me sentais mal. Alors je priais, et je disais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous savez, si j'ai péché, je suis prêt à confesser tous les péchés que vous voulez. J'ai aucun problème pour confesser un péché s'il y a un péché. Mais là, j'avais rien fait de mal et je me sentais mal, vraiment mal. Et j'ai compris que la dépression, c'était quelque chose qui peut tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas et vous ne comprenez rien du tout. Alors j'ai chassé au nom de Jésus, j'ai prié, je me suis bagarré. Et puis finalement j'en ai parlé avec un pasteur, j'en ai parlé avec un couple, notamment une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement des gens comme ça. Et j'ai pu parler avec elle et j'ai pu passer au travers de cette crise. Bon, c'était pas une grosse crise, hein. J'étais pas dans quelque chose de monstrueux. Ça a duré 6 mois, j'ai dû prendre des médicaments, m'a fallu encore 6 mois pour me dégager de ça, c'était bon, j'en suis sorti. Mais j'ai appris ce que c'était que la dépression. Et ça m'a rendu très sensible à ce domaine-là. Ça m'a rendu sensible aux gens qui peuvent passer par ces moments douloureux, qui peuvent passer par ces moments terribles, de difficultés. Alors, hier soir, c'est fou, hein, je vous ouvre mon cœur, je vous dis, j'ai commencé à ressentir les mêmes symptômes. Bam, qui me tombe dessus. Vraiment. Et je dis à ma femme, ça va pas. J'avais envie de pleurer. Je dis, ah non, je veux pas retomber là-dedans. Je veux pas recommencer ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'en veux pas, moi, ça. Vous voyez? Et puis, j'arrive, que ce matin, pas de problème, je vais bien. Et tout ça. Non, ben, je vous le dis, je vous ouvre mon cœur, je vous le dis franchement. Mais j'arrive ici. Et puis, je sais bien, Patrick, que toi, tu souffres, tu me l'as dit, que tu souffres par des moments comme ça. Hein. Et puis, j'entends ici, à droite, à gauche, qu'on prie et qu'on prie pour ça. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous maintenant? Papa, au nom de Jésus, que ta gloire se manifeste, que toutes les personnes qui peuvent souffrir de ce mal puisse en être libéré et que ça puisse disparaître comme c'est apparu au Dieu, parce que tu es le Dieu puissant. Papa, nous ne comprenons rien à ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais je sais une chose, Jésus, c'est que tu règnes. Je sais que tu nous aimes d'un amour infini. Et au nom de Jésus, je viens contre tout esprit de dépression qui peut vous attaquer maintenant. Je viens contre toutes ces puissances démoniaques qui sont là et qui viennent maintenant. Et je veux vous proclamer l'amour de Dieu sur votre vie si vous souffrez de ces choses maintenant. Je veux proclamer l'amour de Dieu et je veux chasser au nom de Jésus tout esprit de culpabilité. Je dis, esprit de culpabilité, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Et Dieu, merci, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Vous savez, Dieu a parlé à mon cœur pendant ces moments de dépression. Dieu m'a parlé et j'ai fait un travail avec une dame qui est pasteur à Mons et qui m'a accompagné. Ben, j'ai fait quelques séances de thérapie. Il n'y a aucun mal à aller voir un psy. Il n'y a aucun mal à en parler à des gens qui sont habilités à vous accompagner dans ce domaine-là. Mais dans mes discussions avec cette dame, elle m'a ouvert les yeux sur un aspect de ma personnalité. Elle m'a montré à quel point, c'est Dieu qui m'a montré, à quel point j'aimais le contrôle. Et qu'il y avait un problème avec le fait de vouloir contrôler les événements Et puis là, je perds des pieds complètement. Et quand je dis contrôle, c'est pas méchant, hein, c'est pas l'esprit de Jézabel, hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est de vouloir planifier les choses de sa vie, vous voyez, et de vouloir avoir une emprise. Et je me suis rendu compte à quel point, même dans les affaires du royaume, finalement, je manquais de confiance en Dieu. Parce que le contrôle, c'est ça. C'est de, vous me suivez ? C'est d'être dans cette dimension-là. Allez, je reviens à mes moutons. J'étais dans cette pièce, visité par la présence de Dieu. La gloire de Dieu venait encore. Mais je ne savais pas, moi, que c'était la gloire de Dieu. Je ne savais pas ce que je devais faire. J'étais en train de travailler mon cours de droit. Ça va, ça vous remet à l'heure ? Et puis, le camp s'est terminé. Je ne savais pas ce que je devais faire. Et le camp s'est terminé. J'étais touché. Dieu avait touché ma vie. J'avais goûté à quelque chose d'extraordinaire. Tu avais mis sa main sur moi. Mais je suis retourné à l'université à Mons, et là, j'ai retrouvé tous les jeunes avec qui j'avais fait un camp. Ils faisaient partie aussi d'une église à Mons, et j'ai pu commencer à fréquenter cette église à Mons, et j'ai été encore, je goûtais à la présence de Dieu. Je goûtais à des choses extraordinaires. Mais à un certain moment, Dieu a parlé à mon cœur. Alors quand je rends mon témoignage, je dis, c'est pas que j'ai entendu une voix, hein, mais c'est comme si Dieu m'avait dit ceci. Pierre, je me suis approché de toi, mais maintenant si tu veux plus de moi, c'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Vous connaissez ce passage, hein, dans Apocalypse où Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Et c'est exactement ça que j'ai eu sur le cœur. Alors, je suis allé à la réunion et je savais que je devais donner ma vie à Jésus. C'est ça, je le savais. Alors, j'ai assisté à la réunion, c'était un appel, il y a eu un appel, c'était un message d'évangélisation. J'ai rien compris au message d'évangélisation, mais je savais que quand on aurait l'appel, il fallait que je réponde. Alors, il y a eu l'appel, qui veut donner sa vie à Jésus? Et là, j'ai compris. Là, je me suis avancé tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Et j'ai compris que je devais ouvrir mon cœur, m'avancer et donner ma vie à Jésus. Vous voyez, Dieu nous appelle, Dieu manifeste son amour. Personne ne peut se convertir tout seul. Personne, la présence de Dieu est déjà là. Mais cette présence nous invite à répondre à son appel. Vous me suivez? Et tu peux ressentir des choses. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Parce que tu peux ressentir des choses dans une église. Tu peux recevoir une parole prophétique dans une église. On peut prier pour toi dans une église. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, ce sera comme si tu avais un parapluie et tu passes à côté de ce qui est en train de se passer. Pourtant, il y a l'onction. Pourtant, il y a la gloire de Dieu. Vous me suivez? C'est là où il nous faut demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire comme pas? Qu'est-ce que je dois faire comme pas pour rentrer dans ce que tu veux pour moi? Vous voyez, il y a l'appel de Dieu qui est là et il te dit, viens. Ou alors c'est comme dans Ésaïe, c'est Ésaïe où Ésaïe voit la gloire de Dieu dans Ésaïe 6. Et puis Dieu lui dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et c'est là où chacun d'entre nous, nous devons répondre. Me voici, Seigneur. Je viens, je suis à toi. Vous voyez, cet amour... Oh, combien de temps il me reste, là? Ah, parce que j'en ai pour 3 heures, là. Je vais commencer... Laissez-moi terminer avec ceci. Cet amour de Dieu, c'est la base de tout appel. Vous lisez Jérémie 1, et Jérémie dit, c'est Dieu qui parle à Jérémie, et il lui dit ceci, « Je t'ai connu, je t'ai connu avant même que tu naisses, et je t'ai appelé. » Écoutez, ça c'est un truc de malade mentaux. Nous, on croit que Dieu nous aime comme ça. Mais vous savez quoi? Dieu nous a rêvés avant même la fondation du monde. Avant même qu'il ne crée ce monde, Dieu avait déjà dans sa tête Patrick. Il rêvait de Patrick. Il pensait à Patrick. Il se disait « Waouh !» Et il a formé Patrick pour ses moments de communion avec lui. Il les a rêvés. Vous me suivez? Il y a un chant qui s'appelle « Abba Père ». Je ne sais pas si vous aimez ce chant. Oh, moi, j'aime ce chant qui dit « Abba Père ». On pourra le jouer? Ça ne vous dérange pas? C'est possible? Alléluia. Et alors, non, j'avais ça sur le cœur. Et j'aime ces paroles de ce chant qui dit que Dieu nous a rêvés. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et c'est ma prière, c'est qu'il y ait une révélation dans votre cœur de dire Dieu m'a rêvé. Dieu m'a rêvé. Dieu a rêvé ces moments de communion. Écoutez, vous savez peut-être pas quel est votre appel. Parce que tous, on a un appel différent. Vous ne savez peut-être pas ce que Dieu veut faire de votre vie. Mais je peux vous assurer ceci. Il y a un appel dans lequel vous ne vous tromperez jamais, jamais, jamais. C'est celui d'être un adorateur. Tu veux connaître ce que Dieu veut faire de ta vie? Sois d'abord un adorateur. Sois d'abord un adorateur. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. C'est à ça que tu as été appelé. C'est pour ça que tu as été créé. Vous me suivez? C'est comme ça que Dieu a touché ma vie. Et puis, j'ai réalisé toute cette dimension. En fait, j'ai réalisé ceci. C'est que Dieu n'a pas choisi de m'aimer parce que j'étais un brave gars. Dieu a choisi de m'aimer dès avant la fondation du monde. Dieu a choisi ces moments et il m'a créé pour cela. Il m'a créé pour ces moments d'amour avec lui. Et c'est dans cette dimension-là qu'il a conduit ma vie. Alors, tous, nous n'avons pas le même témoignage. Certains ont des témoignages dramatiques. Je suis sûr que si je vous demande comment vous avez rencontré Jésus, certains vous diront d'une telle manière, mais peut-être qu'il y en a ici parmi nous, vous direz, bah, je ne sais pas trop. Ça arrive aussi, vous savez, parce que les choses se passent subtilement. Par contre, il y a quelque chose dans lequel Dieu va nous conduire et qui va nous unir tous ensemble. C'est le baptême. Le baptême qui suit la conversion, le baptême qui suit ce moment de rencontre avec Jésus et qui va nous officier. Il y a une radicalité dans l'acte du baptême. Vous me suivez? Et tous, nous pouvons dire, je choisis Jésus à ce moment-là. Je choisis Jésus en ce moment-là. Quelle que soit la manière dont Jésus a touché notre cœur, quelle que soit la manière dont il nous touche, il nous amène, il nous conduit. Le baptême est un acte radical où on s'engage pour Dieu. Ça vous bénit ce que je suis en train de dire? Dieu est bon, Dieu est bon. Est-ce que, je ne sais pas, c'est bon là au niveau du timing? Oui? Je prêchais après. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Vous voulez bien? Papa, j'aime ta présence. J'aime ta présence, oh Dieu. Quels que soient les besoins que vous rencontrez maintenant, quels que soient vos besoins, je viens contre toute puissance démoniaque qui s'oppose à la manifestation du plan de Dieu dans votre vie. Et je prie que des révélations de la gloire de Dieu vous inondent maintenant, des révélations de son amour, que vous soyez un enfant, que vous soyez petit, que vous soyez âgé, que vous ayez des nouvelles révélations de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Saint-Esprit, merci pour les délivrances que tu opères dans ce lieu. Merci pour les paroles de connaissance que tu déverses dans le cœur des gens. Merci, Seigneur, pour la vie dans cette communauté, parce que c'est la vie dans cette communauté. Merci pour tout cela. Et Seigneur, tu donnes à celui qui a. Alors, je prie pour que ce que vous avez déjà soit multiplié maintenant au nom de Jésus. Que ce soit des manifestations prophétiques, que ce soit des manifestations de guérison, que ce soit des délivrances d'esprits méchants, mauvais, qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Que la gloire de Dieu vous habite, que la gloire de Dieu se manifeste encore et encore et encore. Merci au Saint-Esprit de conduire ces moments. Merci au Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Que ta grâce abonde. Papa, tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, je te prie de le faire, de le donner aux personnes qui sont ici, qui entendent, que ta présence les inonde maintenant. Je le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. La vie, la vie, la vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you.